J'attends le retour du passé qui s'est caché pour me piéger de vous. Quand je vous vois même en passant, quand je vous sens, je suis à genoux. Tant les années ont passé, j'aurais dû vous oublier, c'est fou. C'est comme si on était hier, le temps passe comme un éclair pour tout. Je ne crois vraiment pas qu'un jour on parlera de nous. Pourtant j'ai tout essayé, les mots doux et les rendez-vous pour nous. Mais à chaque fois franchir le pas est trop douloureux pour moi. Des fois j'y crois et des fois pas, je sais que je la reverrai pas. Mes amis me disent, tu sais, dans la vie on ne sait pas. Je veux grandir à chaque pas, je veux être meilleur pour toi. Mais il n'y a pas de nous, même si le destin nous sépare. J'attendrai ton retour et je te chercherai partout. Et je prendrai toutes les gardes pour retrouver une trace de vous. Je survolerai le moindre caillou. Et je ne crois pas vraiment qu'un jour on parlera.